et pour que les cœurs de ceux qui ne croient pas à l'au-delà se penchent vers elle, qu'il les agrée et qu'il perpètre ce qu'il perpètre.